attractif, génétiquement modifié par un étrange procédé. Il peut, dès que l'envie le prend, se changer en monstre gluant et donner selon ses caprices une nouvelle forme de justice. Miasmo, le petit poisson radio, actif et dissuasif. À la nuit, c'est sur des pattes de velours qu'il s'ennuie. Il rêve de terres incandescentes que le soleil tape. Il espère s'en devoir les rues de Manhattan. Et si sous l'eau le jour ressemble un peu plus à la nuit, c'est sur des pattes de velours qu'il s'ennuie. Il rêve de terres incandescentes que le soleil tape. Il espère s'en devoir les rues de Manhattan. Il rêve de terres incandescentes que le soleil tape. Il espère sans doute voir les rues de Manhattan. Et si sous l'eau le jour ressemble un peu plus à la nuit, c'est sur des pattes de velours qu'il s'ennuie. Il rêve de terres incandescentes.